Mbinjambie, mabunza mawapindi ni mapepa. Magenzambe, magenza mbinjambie, mabunza mawapindi ni mapepa. Magenzambe, magenza mbinjambie, mabunza mawapindi ni mapepa. Mabunza mawapindi. Mabunza mago pindi magenja mbenjambie, mabunza mago pindi magenja mbenjambie. Mabunza mago pindi mi mapepa. Magenja mbe, magenja mbenjambie, mabunza mago pindi mi mapepa. Magenja mbe, magenja mbenjambie, mabunza mago pindi mi mapepa. Ipendai. Ipenda unyimani mani eguda utombono za timu nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono za timu nyenge ipenda ipenda unyimani mani eguda utombono za timu nyenge yao. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timu nyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timu nyengei. Ependa, unyimani mani eguda, utombono za timu nyengei. Tata nzambe, nzambe, nzambe, mobongo anga die mokadika die. Mobongo anga die mokadika die. Tata nzambe, mobongo anga die mokadika die. Mobongo anga die mokadika die. Tata nzambe, nzambe, nzambe, nzambe, nzambe, mobongo anga die mokadika die. Mobongo anga die mokadika die. Mobongo anga die mokani jonga na meka. Mobongo anga die mokaya tamo gombo. Mobongo anga die mokota tanzambe. Nzambe nzambe. Mobongo anga die mokota tanzambe. Nzambe nzambe. Mobongo anga die mokanzambe na genungwe. Mobongo anga die mokota tanzambe. Mobongo anga die mokota tanzambe, nzambe nzambe, mobongo anga die mokota tanzambe, nzambe nzambe, mobongo anga die mokadika die. Bonjour, bonjour ou bonsoir, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Si vous êtes du côté de la Chine, je sais que là, il est 22h. Pour ceux qui sont au Gabon, il fait encore jour. Ceux qui sont en France, je vous remercie tous d'être branchés ce matin et de venir suivre cet enseignement qui va pas mettre du temps. Et c'est un enseignement, comme le titre l'indique. Ici, je viens encourager tous nos frères africains, particulièrement, parce que ceci fait suite à un petit débat, un débat que j'ai eu en téléconférence avec des frères. Hein. Ils étaient près de 9, nous étions en téléconférence, débat sur la question sur la religion africaine. Et bien sûr que au sortir de cela, la majorité de personnes sont tombées d'accord avec mon point de vue, mais bien sûr, vous savez que c'est pas tout le monde qui partage forcément votre point de vue. Et surtout qu'aujourd'hui, pardonnez-moi, on a eu une petite coupure. Je disais que surtout qu'aujourd'hui, la lettre a tué l'esprit. C'est-à-dire que les gens préfèrent se concentrer sur des révélations d'autres personnes. On ne peut plus, les gens ne veulent plus se concentrer sur leur esprit, ils ne veulent plus développer leur esprit. Eh bien, ce titre est venu, j'ai mis ce titre justement, c'est suite à ce débat. Ce débat était sur la question des religions. J'en parle dans plusieurs de mes enseignements ici. Donc, le titre est le suivant. Chers frères et sœurs, arrêtons d'être sectaires. Bonjour Félix, merci d'être entré. Je n'ai pas averti beaucoup de gens, pardonnez-moi. Mais je vous remercie pour ceux qui sont fidèles à mes enseignements. Arrêter d'être sectaire veut dire quoi? Arrêter d'imposer aux autres vos croyances. Et même ces croyances ne sont pas les vôtres. J'aurais compris si c'est une initiée ou bien un initié d'une djembé qui viendra me dire, moi en tant que Gabonais, me dire que je veux que tu rentres dans le djembé. Là, il n'y aura pas débat. Je dirais, mais bien sûr, ça fait partie de ma culture. Si un homme qui est initié dans le Bouiti va me dire, mon frère, tu es Gabonais, tu es Bantou, tu es né là, chez nous. Le Bouiti, il est vieux plus de 20 000 ans. Je t'encourage, s'il te plaît, de tenter ton expérience. Je ne t'impose point, mais essaie de tenter l'expérience. Parce que j'entends que tu te plains trop dans tes problèmes de la vie là. Est-ce que tu peux essayer un peu le Bouiti? Si quelqu'un me parle comme ça et je suis noir, je suis africain, mais mon Dieu, je serais très content de tenter l'expérience. Mais toi, tu es africain. Tu es né en Afrique. Tes ancêtres sont africains. Tes ancêtres, ils sont nés en Afrique. Et même le premier homme qui a été créé, les scientifiques l'ont prouvé. Je le dis dans plus de 5 ou 6 vidéos, où, avec preuve à l'appui, que le premier homme qui a été créé sur la planète Terre est noir. Les Blancs eux-mêmes le confirment. Les Blancs eux-mêmes le savent. Ce qui explique, pour certains Blancs qui sont complexés, d'avoir un comportement raciste à l'égard de nos frères noirs. Parce qu'ils savent que le premier homme qui a été créé par Tete Mwanga, l'être suprême, est noir. Si vous lisez même ceux qui sont chrétiens ou religieux, là, allez-y lire même le livre saint, on vous dira que le premier homme qui avait érigé la maison à étage pour atteindre les cieux, son nom c'est Nimrod. Ce Nimrod, il était noir. C'est écrit dans les livres saints. Ceux qui sont musulmans connaissent l'histoire. Ceux qui sont chrétiens connaissent l'histoire. La fameuse tour de Babel. Ce fut notre frère noir qui a conçu la tour de Babel. Et ce qui d'ailleurs va occasionner la colère des dieux. Les dieux vont dire, mais toi tu vas nous construire une tour qui va venir nous atteindre ici. Toi c'est comment? Et c'est comme ça le projet avait été arrêté. Selon les archives historiques et selon l'histoire religieuse, ça c'est un peu à peu près la même chose, où on dira que on va confondre leur langage. Ça veut dire que au commencement de l'histoire de l'homme, nous parlions une seule langue. Et la seule langue véhiculait le même message. Donc il y avait l'unité absolue. Il n'y avait pas l'esprit sectaire, il n'y avait pas l'esprit de division, il n'y avait pas des histoires de religion que de gauche à droite. Mais, puisque notre parent noir, Mme Nimrod, ou Nimrod, avait construit cette tour-là, qu'on appelle la tour de Babel, eh bien, les dieux se sont fâchés, les Elohim. Donc, ils ont créé la confusion. Partant de cette langue unique qu'on parlait au départ, les gens ne s'entendaient plus. Voilà comment, selon l'histoire, on nous dira que tous les hommes se mirent à parler différentes langues. Voilà comment donc Nimrod s'est fâché. Il a dit, oh, mais dans ce cas, comment? Moi, je te demande l'appel, tu m'amènes la radio. Moi, je te demande le marteau, tu m'amènes la sagaie. Bon, dans ce cas, arrêtez, tu vois ce projet. Et c'est comme ça. C'était la colère des dieux, en fait. Parce que les dieux, au départ, voulaient que la population se disperse sur toute la planète Terre. Ce n'était qu'une parenthèse. Alors, toi, tu viens me dire que non, il faut accepter Jésus dans ta vie. Que non, il faut accepter Kambungi ou Kimbungi. Mais non, il faut accepter Allah. Tu es africain. tu es Gabonais. Toi, tu viens me parler de Mahomet. Tu es Gabonais. Tu viens me parler de Jésus que tu ne connais même pas. Mais franchement, vous trouvez que ça, c'est normal? Au lieu de me parler avec gentillesse, pour me dire, bon, mon frère, toi, tu es Gabonais, pour m'adresser à mon frère congolais, parce que ce pasteur est congolais, justement, c'était là où était le débat. Je lui ai dit, avec tout le respect que je dois au fondateur du mouvement kimbanguisme au Congo, M. Kimbangu, qui a vécu au 19e siècle, j'ai du respect pour ce monsieur. Hein? Il a eu les révélations, et suite à ces révélations, il s'est manifesté, il a écrit, il a interprété les psaumes, il a écrit même des psaumes. Cette religion existe bel et bien au Congo. J'ai dit, j'ai du respect pour ce monsieur. Mais quant à venir me dire que parce que je suis bantou, parce que je suis gabonais, que le sauveur que je dois accepter dans ma vie, c'est Kimbangu, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Et je vais m'expliquer. C'est maintenant au cours de cette vidéo que je vais expliquer, parce que ce pasteur-là, je l'ai invité, il doit suivre. Arrêtons l'esprit sectaire, mais encourageons l'esprit syncrétique. Je répète qu'arrêtons l'esprit sectaire, mais encourageons-nous les uns les autres à l'esprit syncrétique. En d'autres termes, évitons de venir imposer à nos frères africains des philosophies ou des religions étrangères. Mais venons avec gentillesse. Moi, quand les témoins de Jéhovah m'avaient approché, ils m'ont baratiné. Ils m'ont pas dit non. Ta religion, là, elle est diabolique, elle est mauvaise. Le seul sauveur, c'est Jéhovah. Ils m'ont pas dit ça. Ils m'ont invité à une étude biblique. J'étais encore tout jeune, en classe de 5e, là, 4e. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, j'ai suivi le cursus intellectuel de leurs livres, les tracts et tout ça, là. Et on débattait, on discutait. Ils ne m'ont pas imposé. Mais c'est au vu de leur propre interprétation de la Bible, dans le temps, mon cerveau a accepté cette explication. Je me suis dit, bon tiens, ça a un sens. Voilà comment ça se passe. Vous ne pouvez pas venir forcer quelqu'un de... Et ensuite, en même temps, vous l'invitez, en même temps, vous le condamnez et vous le jugez. Moi, je dis, ça c'est l'esprit sectarien. L'esprit sectarien veut dire... C'est venir imposer aux autres des croyances qui n'ont rien à voir avec son développement personnel, des croyances qui ne peuvent pas l'élever socialement, des croyances qui ne peuvent pas l'élever psychologiquement, des croyances qui ne peuvent pas l'amener à une harmonie totale avec celui que vous appelez Dieu. Et de surcroît, la plupart de ces religions et sectes divisent les familles. Et je sais de quoi je parle. Quand j'étais témoin de Jéhovah, le fait, allez-y me suivre, ma vidéo intitulée « Comment quitter une secte ?» Dedans, je raconte mon expérience. Vous comprenez? Quand j'ai quitté ce mouvement religieux que je respecte, je leur ai dit « Je ne veux plus être parti, je ne veux plus faire partie de vous. » « Oh, mais pourquoi ceci ?» Donc, j'ai dit « Ok, je vais vous donner les raisons dans ma lettre. » J'ai écrit ma lettre. J'ai dit, à compter de ce jour, je ne dois plus faire partie ou membre de votre congrégation, car je veux libérer mon âme. Et mon âme doit être greffée à l'âme universelle. Je n'ai plus le droit d'appartenir à un groupe sectaire quelconque ou religieux qui doit dicter ma vie. Et de surcroît, surtout si c'est une religion qui vient des Blancs. Les témoins de Jéhovah, cette secte, existe depuis 1868, créé par Charles Taze Russell. Et nous connaissons l'histoire de ce monsieur-là. Et l'autre, c'était Joseph Rutherford. Et allez-y lire l'histoire de Joseph Rutherford. Vous comprendrez des choses qu'ils ont dites qui ont reçu beaucoup de personnes. Mais je respecte cette secte, je respecte cette religion. On doit se respecter les uns les autres. Vous n'avez pas le droit de venir imposer aux gens vos croyances. Ça, c'est un manque de respect de l'être humain. L'histoire de l'homme. Parlons un peu de la généalogie ou encore de ce que nous appelons la cosmogonie humaine. L'homme n'a jamais, je vous dis, je le répète, que le premier homme qui a été créé, qui est noir, ça les scientifiques le savent, le premier homme qui a été créé, qui est noir, n'a jamais appartenu à une religion quelconque. Car créé à l'image de Dieu, il est la ressemblance de Dieu. Étant la ressemblance de Dieu, il est une divinité exprimée. Donc, dans cette triplicité, corps matériel, corps spirituel, âme et esprit, esprit, ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit, qui est le véhicule manifestateur de la présence de Dieu suprême en l'homme, par la connexion à son image, c'est-à-dire l'étoile, ce que nous, les initiés, chez nous en Afrique, on appelle l'étoile. Chacun de nous, Dieu vous a donné une étoile. Donc cette étoile qui est en vous, c'est l'âme incarnée de Dieu. Que vous lisiez les livres de Kambungi, que vous lisiez les livres de Jésus, que vous lisiez les livres de Mahomet, on vous dira la même chose. Tous, ils ont volé les paroles du prophète Moussaabu, c'est-à-dire celui qu'on appelle Moïse. Moïse, qui est l'auteur, Moussaabu, Moïse, il était africain, un noir. Dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il dit? Il explique la création de l'homme. Pas de manière métaphysique compliquée, il dit ceci. Genèse chapitre 1, à partir du verset 18. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 22. Allez-y, lire ça chez vous, vous avez les Bibles. Et si je cite chaque fois la Bible, parce que moi-même je suis un ancien pasteur, je suis diplômé de théologie, études comparées de religion. Voilà pourquoi je cite toujours la Bible. Et je cite toujours le Coran, parce que moi-même j'ai été baptisé musulman en 1991. Mon nom c'est Abdulzak. Je connais la plupart des... Je ne dirais pas que je connais tout le Coran, mais je connais toute la Bible par cœur. Les témoins de Jéhovah m'ont fait mémoriser toute la Bible pendant près de 15 ans. Donc voilà pourquoi parfois je cite ces versets. Et quand je cite ces versets-là, ça ne veut pas dire forcément que je crois à cela. Mais c'est pour parler et m'adresser à ceux qui sont encore embrigadés dans les religions chrétiennes. Pour leur faire comprendre que moi j'étais là-dedans. Et si je suis sorti, j'ai un témoignage. Ma biographie est là, allez-y me vérifier ça. Ne venez jamais juger des personnes sur la base de vos croyances à vous. Gardez vos croyances pour vous-même. Maintenant, si vous voulez partager votre expérience avec quelqu'un, pour votre information, depuis le début de l'ouverture de cette chaîne, et ça c'est rare, je dis bien c'est rare de nos jours, j'avais dit que tous ceux qui adhèrent ici, ceux qui viennent ici, j'ai des amis qui étaient des anciens pasteurs, j'ai des amis qui étaient des anciens satanistes, j'ai des amis qui étaient, comme moi, des anciens maîtres de la franc-maçonnerie. Je vous dis bien maîtres maçonniques. Des anciens rosicruciens. Tous, ils me suivent ici. Mais quand ils me suivent, ils ne viennent pas me suivre moi, au Nouvier, en tant qu'individu. Parce qu'ils s'accordent sur ce que je dis. Parce qu'il est écrit quelque part que toute connaissance qui vous est apportée par un étranger, scrutée, examinée attentivement ce qu'il vous dit. Et acceptez ce qui est bon pour vous, pour votre développement, pour votre évolution, et voir si ça concorde avec votre histoire adénique. C'est-à-dire, si ça correspond avec votre histoire à vous, de votre famille. Et c'est ainsi, à l'issue de cette analyse, à l'issue de ce scrutement, ou quel mot je vais utiliser en français, donc après avoir scruté et analysé, vous êtes libre d'accepter. Et dès lors que vous acceptez, votre âme s'est engagée à se greffer dans un égrégore. Parce que tout enseignement religieux, toute religion est un phénomène égrégorique. Mes professeurs agrégés de théologie me l'ont dit. Mes professeurs de théosophie me l'ont dit. Mes professeurs de philosophie me l'ont dit. Et je suis moi-même, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait des études également de psychologie et je suis diplômé en psychologie. Et la psychologie, j'y crois parce que moi-même, je travaille, je suis psychothérapeute. Donc, je vois comment l'homme se comporte dans la société. Je ne vais pas me baser sur des spéculations ni imposer mes expériences aux gens. Mes expériences à moi, après avoir été initié ou rentré dans plus de 9 religions, plus de 19 sectes, milieux magiques, loges maçonniques, machin à gauche et à droite, mon expérience à moi, elle est unique à moi. Et j'ai fait ce qu'on appelle l'esprit syncrétique. Donc j'en ai fait un syncrétisme par une analyse qui passe par un choix de ce qui est bon et j'ai gardé pour moi. Ce qui est mauvais, je rejetais. Je n'étais pas obligé de tout prendre. Et c'est ce libre arbitre que Teta Mwanga, le créateur de l'univers, Tatanzambe, ainsi est-il appelé auprès du peuple bantou, quand vous lisez les livres saints, et Dieu donna à l'homme le libre arbitre de décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Ce qui est symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà la rhétorique autour de l'arbre qu'on nous dit qu'Adam aurait mangé une pomme. C'est faux. Adam et Ève n'ont pas mangé une pomme. Cette pomme ou cet arbre symbolisé simplement, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont votre humble serviteur, par ses expériences personnelles, connaît la signification, mais que je ne peux pas imposer aux gens. Parce que moi, la connaissance que j'ai reçue, je l'ai analysée, je l'ai expérimentée, et je l'ai acceptée. Par conséquent, la connaissance a fait de moi un être transcendé par la connaissance. Donc, je deviens connaissant. Je deviens connaissant dès lors que cette connaissance me transcende. Et maintenant, dès que la connaissance m'a transcendé, il est de mon devoir de transmettre ce que j'ai auprès de ma progéniture. D'abord, je transmets à mes enfants. Je transmets à ma famille. Maintenant, il y a certains qui ont accepté et d'autres ne l'ont pas accepté. Et 45 ans plus tard, je viens ici au public. Ça fait maintenant 2 ans. Et je parle bien ici. Dans le monde de la politique, on me connaît depuis près de 3 ans. Mais je parle de l'affaire de Teta Mwanga, Teta Nzambe, le tout-puissant Kana, que le jour où j'ai créé cette chaîne, ça remonte exactement il y a 1 an. Alors je me suis dit, puisque les gens me secouent, des gens qui connaissent, des gens pour qui je prie, des gens qui voient des miracles dans leur vie, non pas basés sur des histoires de bas Jésus, non pas basés forcément sur quoi que ce soit, mais j'ai du respect pour ces égrégores-là. Donc ces gens-là, ils m'ont dit, mais monsieur Onouvier, moi je suis un ancien pasteur, tu m'as guéri de l'histoire de la femme de nuit. On m'a dit que non, c'est le démon, on m'a dit que c'est ceci, cela. Donc vraiment, je vous excite de pouvoir créer, s'il vous plaît, un site. Comme ça, vous allez commencer à faire des conférences, partager vos connaissances et vos expériences à vous. Mais donc, les gens ne sont pas obligés d'accepter. Parce que si je viens vous imposer, ça devient un esprit sectaire. Or, l'esprit sectaire, ce n'est pas bon. Même celui que les gens appellent Jésus, il n'a jamais forcé quelqu'un d'accepter ses enseignements. Il a donné le libre arbitre. Quand vous lisez le livre de Moïse, disais-je, Moïse dit bien, et Dieu mit dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, il planta un deuxième arbre. Selon le livre de Genèse chapitre 3, verset 22, les dieux, les Elohim dirent, mais maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal, évitons-le de toucher à l'arbre de vie. Parce que cet arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance éternelle. Mais maintenant, aucun religieux ne peut bien vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Il faut vous initier. Mais quand on parle de l'initiation, il n'y a rien de diabolique. Initié vient de initiare, initiatum, c'est-à-dire le commencement de la vie, le B.A.B. de la vie, de comprendre les petits phénomènes de la vie, de comprendre qu'il n'y a rien par hasard, comprendre votre histoire, comprendre l'histoire des religions, de tout ce qu'on vous dit. Et j'ai passé toute ma vie à étudier l'histoire de toutes les religions du monde, sans aucune exception. Christianisme, mazdaïsme, taoïsme, shintoïsme, bouddhisme, kimbangisme, et beaucoup de même une autre religion que j'ai connue au Congo à travers un ancien ami à moi, ancien agent de maîtrise de Elf Congo, à Djeno, Congo, je parle du Congo-Brazzaville, parce que le kimbadisme vient du Congo-Kinshasa là-bas. Lui, il a créé son groupe qu'on appelle le Kumwedi, la communauté unifiée de tous les enfants de Dieu en vue de comprendre le message divin. Donc, chacun est libre de créer son milieu sectaire, mais sans en imposer d'aucune manière cette manière de comprendre la vérité divine à autrui. Parce que la vérité divine est une expérience personnelle. Je crois qu'on est clair. Pardonnez-moi, il fallait que je parle de cette manière tout à fait claire de comprendre. Même ce religieux qui utilise la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. N'est-il pas écrit que toute connaissance, tout enseignement qui vous est donné, veuillez l'examiner, scruter et ensuite accepter si c'est bon. Et si ce n'est pas bon, rejeter. Mais mon Dieu, même le fondateur du christianisme qui a vu le jour au 4e siècle ou même au 1er siècle par Paul, celui qu'on appelle Saint Paul qui s'appelait Saul de Tarse, celui-ci qui a créé son église en l'an 65 de notre ère à Antioche dans l'actuelle Turquie, c'est lui qui donne cette consigne, qui n'est pas là en train d'obliger les gens d'accepter ce que lui enseignait, il a donné le libre arbitre. Mais qui êtes-vous aujourd'hui au 21e siècle, à travers une religion que vous avez acceptée à gauche et à droite, en bougeant les fesses par-ci par-là, des expériences de quelqu'un d'autre que vous acceptez bêtement, et vous voulez imposer ça aux autres, alors que vous-même, vous n'avez pas compris qui vous êtes, et vous ne connaissez même pas qui sont vos ancêtres, où vient cette religion? Moïse. Moussa voit. Moussa Abou, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous au Gabon. Chez les musulmans, on l'appelle Moussa. Les Égyptiens l'appelaient Moshe. Et les Romains, quand ils ont bien sûr fondé la première religion chrétienne. Parce que toutes ces religions chrétiennes qui font le bruit aujourd'hui, là, vous ne savez pas que vous ressortez tous du même moule. Le moule romain. C'est en l'an 325 qu'officiellement l'Église catholique apostolique à Irumania a vu le jour. Et vous ne le saviez pas peut-être, mais lisez les archives. Donc aujourd'hui, aucune religion ne peut prétendre faire du bruit aux gens n'importe comment. Votre grand frère, c'est l'Église catholique. Votre mère, c'est l'Église catholique. Mais il y a eu simplement des rébellions. C'est ainsi qu'au XVIe siècle, M. Martin Luther, d'origine allemande, a créé le protestantisme. Je l'en veux parce que celui qui a créé le racisme et la traite négrière, par une interprétation du livre de l'Exode, en disant que l'homme noir mérite d'être tué et maltraité. Et parce qu'il savait que le premier homme qui a été créé, c'était un noir. Je pose la question donc d'abord à mes frères chrétiens. Vous qui me faites la guerre, j'accepte, c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Parce que la même Bible, je l'ai entre les mains. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ils ont fui le débat, je vous signale. Parce que quand je leur citais des versets bibliques, je passe par-ci, je passe par-là, chacun voulait interpréter à sa manière. Dès qu'il va interpréter, je prends un autre verset qui vient expliquer. Les gens disent non, ce type-là, il est fou. Ils disent non, maintenant même le diable connaît trop la Bible par cœur. Je dis merci, traitez-moi de tous les noms d'oiseaux comme vous voulez. Parce qu'ils n'ont pas voulu la vérité. Je pose donc la question à mes frères chrétiens. Celui-là que vous appelez Jésus, mais qui n'est pas blanc, je vous informe, hein, parce que même quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, on vous dira que je vois un homme noir. Un homme qui est assis sur le trône, il est noir, de couleur d'écarlate. Écarlate, allez-y examiner qu'est-ce que ça veut dire, couleur d'écarlate. Ce n'est pas blanc. Donc, le Jésus que vous adorez, là, je pose la question à mes frères chrétiens. N'est-ce pas, on dit que le christianisme a vu le jour là-bas, chez les Juifs, à Jérusalem, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la guerre là-bas? Je sais que certains vont me répondre que non, c'est une prophétie. Mais oui. Mais vous êtes des hommes de Dieu. Pourquoi entre vous-même vous vous tuez? Pourquoi les Palestiniens et les Israéliens sont en train de se tuer tous les jours? Jusqu'alors, je vous parle. Dans la zone de Gaza, j'ai été visiter ça. J'ai été visité en 2005. Je vous avais montré mon diplôme qu'on m'avait donné là, en Israël. J'ai été visité. En 2007, en 2009. Il y a toujours la guerre jusqu'à aujourd'hui. Les gens se tuent. Pourquoi? Est-ce qu'une religion est là pour encourager la guerre? Est-ce qu'une religion est là pour tuer son propre frère? Mais la même Bible, vous les chrétiens, Jean, Jean, celui qui a reçu la grande révélation sur l'île de Patmos, non loin de l'actuelle Turquie, il dit quoi? Dans sa première lettre, ne dit-il pas que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas tous les jours, mais qu'il déteste ou bien il haït son frère qu'il voit tous les jours, c'est un menteur, parce que tu ne peux pas oser dire que tu aimes Dieu, que toi tu ne vois pas, en entendant tu détestes ton frère, en entendant tu l'imposes des dogmes de ta religion, en entendant tu l'imposes, s'il n'accepte pas ta religion, tu le tranches la tête, comme ça c'est pas chez mes frères nigériens. S'il n'accepte pas tes croyances à toi, tu le rejettes. Si tu abandonnes ta religion comme mes frères témoins de Jéhovah, aujourd'hui je ne peux plus parler avec mon grand frère de même mère, je ne peux plus serrer la main, parce que quoi? J'ai abandonné les témoins de Jéhovah et je ne raconte pas n'importe quoi. Demandez auprès des témoins de Jéhovah. Dès lors que vous n'êtes plus témoins de Jéhovah, on n'a plus le droit de manger avec vous, on n'a plus le droit de vous serrer la main. On n'a plus le droit d'être en communion avec vous, même si c'est votre propre frère de sang. Vous trouvez ça normal? Entre-temps, Jean n'a-t-il pas dit que celui qui dit que moi j'aime Dieu, mais son propre frère qu'il voit tous les jours, s'il ne l'aime pas, c'est un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis. Si vous voulez la cotation, c'est 1 Jean chapitre 4. Et dans l'islam, il est reconnu également dans le livre de ce qu'on appelle Al-Mustarafat. Mes frères musulmans, ça, je ne les en veux pas, parce qu'ils n'ont pas de division sectaire. Bien sûr qu'ils ont un peu l'histoire de l'extrémisme ou l'exécution des terrorismes à gauche, à droite, mais tout bon musulman ne le fait pas. Au moins, l'islam, c'est la seule religion où il n'y a pas des histoires de trop de sectes, même s'il y a, quatre petits groupes. Mais au sein du christianisme, au sein de celui que vous adorez, Jésus, le seul Jésus est divisé en plus de millions, plus de 15 millions d'églises. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des gens qui touchent les fesses des femmes, des gens qui sacrifient, des gens qui tranchent les coups des gens, des gens qui tuent au nom de Jésus, et vous dites aux gens que non, si on n'accepte pas votre religion, nous sommes diaboliques. Mais qui est plus diabolique que qui? Je vous ai posé une question, donnez-moi une réponse. Si c'est vraiment le Jésus-là que vous vous adorez, en contradiction avec le Jésus noir, hein, ou celui que vous appelez Jésus, mais qui avait un autre nom, qui avait enseigné l'amour, aime ton Dieu de tout ton corps, selon la question que Philippe lui posa. Aime Dieu de tout ton corps, de tout ton esprit, de toutes tes énergies, et aime ton prochain comme toi-même. Parce que tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas autrui. Voilà les deux grands commandements que ce Jésus a donnés. Est-ce que vous les respectez? Jérusalem, la Palestine, allez-y savoir ce qui se passe. Au Nigeria, chrétiens et musulmans s'entretuent, jusqu'alors je vous parle. Et qui sont les plus grands terroristes au monde? C'est des religieux. Donc, ne nous donnez pas de leçons. Je pose ma question maintenant à mes frères du kimbanguisme. Là. Je répète que je respecte encore M. Kimbangu. Je le respecte. Moi, j'ai tous ses livres. Moi, je travaille au Congo. J'ai des amis qui sont là-dedans, en plein dans le kimbanguisme. Mais je pose la question suivante. Vous qui êtes sectaire dans le groupe de kimbanguisme, le pauvre Kimbangu, il n'était pas sectaire. Hein. Il n'avait jamais imposé aux gens sa religion. Il n'avait même pas créé une religion. C'est un prophète en son temps qui s'est manifesté. Il a dit, bon, ceux qui veulent suivre ma philosophie, c'est bon. Ceux qui ne veulent pas, tant mieux. Il a fait ses révélations. Maintenant, aujourd'hui, on en fait une secte. Au Congo, je connais des gens qu'on tue au nom du kimbanguisme. Et ce n'est pas normal. Bon, répondez à ma question. Si vraiment Kimbangu, que vous adorez là, si c'était celui qui est venu vous enseigner l'amour, pourquoi au Congo, il y a la guerre? Pourquoi au Congo, il y a la guerre jusqu'à aujourd'hui? Kimbangu vous a dit qu'il va vous sauver pour vous amener au ciel. Vous avez développé ces paroles. Là, je m'adresse à mon frère pasteur là, qui me disait, non, nous, si tu n'acceptes pas, toi, tu es bantou, il faut accepter Kimbangu. Qui t'a dit que moi, je dois accepter Kimbangu? Donc, j'ai du respect. Je pose des questions logiques. Hein. Au Congo, il y a la guerre jusqu'aujourd'hui. Il y a les malheurs. Les gens sont tout pauvres. Mais où est maintenant l'importance de votre religion que vous voulez imposer aux gens? Parce que moi, je suis Gabonais. Certes, mes origines, on est bantou. Est-ce que vous savez qu'il y a les bantous en Somalie? Pour votre enseigne. En Somalie, là-bas, moi, je discute avec les Somaliens. Je donne des cours là-bas. J'enseigne l'anglais. Essor, dans la communauté somalienne. OK? Moi, j'ai vu des bantous somaliens. Bantous. Donc, eux, maintenant, en Somalie aussi, vont adorer Kimbangu. Donc, arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit d'imposer votre religion à qui que ce soit. Votre religion reste la propriété qui est vôtre. Nous, notre bouti reste une propriété du Gabon. Maintenant, la troisième question, je m'adresse à mes frères musulmans. Et pourtant, moi-même, je suis musulman. Je parle en toute neutralité. Hein. Abdurazak, c'est mon nom. Je suis spécialiste du soufisme. Demandez à un musulman ce qu'on appelle le soufisme. Maintenant, mes frères musulmans. Parce qu'il y a certains frères musulmans aussi qui sont très sectaires. Si tu n'acceptes pas l'islam, Alhamdulillah, Inch'Allah, d'Allah va te couper la tête. Mais toi, tu es qui pour imposer les gens? On n'est plus au 7e siècle quand le prophète Mohammed, paix sur lui, allait imposer au peuple barbare qui croyait au faux Dieu. C'était ça son objectif. Mais aujourd'hui, chacun de nous croit en son Dieu. Enfin, chacun de nous croit en Dieu, mais de diverses manières, dans la diversité. C'est ça qui fait l'ambiance de ce Dieu-là. Sous votre jardin, pour nos mamans qui aiment les fleurs, vous allez voir dans votre jardin, il y a des fleurs de différentes couleurs, mais ça fait la beauté. On ne va pas dire, non, moi, quelle fleur n'est pas bonne. Et c'est comme ça, Dieu accepte tout le monde dans cette ambiance. Mais qui êtes-vous pour imposer aux autres que la vôtre est la meilleure? Je pose la question. Les pays arabes, jusqu'à aujourd'hui, il y a la stabilité. Il y a mon ami journaliste de l'Arabie Saoudite, là, qu'on a tranché la tête. Qui l'a tué? N'est-ce pas, l'Arabie Saoudite, c'est un pays à 1000% musulman. Mais qui tue qui? Les guerres, ça vient d'où? La situation de l'Iran. L'Iran, c'est l'un des pays à 100% musulmans. Allez-y me dire. Donc, le débat n'est pas là. La religion musulmane, elle reste la religion des Arabes. Laissez les Arabes entre eux-mêmes là-bas s'entretuer avec leur religion, au nom d'Allah. C'est vrai que ça s'est propagé partout dans le monde. Maintenant, nos frères africains aussi, je vois certains frères africains qui ont pris cet esprit extrémiste. Mais toi, l'extrémisme va t'amener où? Le Dieu Allah, c'est le Dieu de clémence, de paix et d'amour. C'est tout. Et il fonctionne sur quatre grandes qualités fondamentales. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Il y a l'amour. Il y a la puissance. Il y a la justice. Il y a la paix. Lesquelles qualités sont indispensables même dans toute fonctionnalité, dans la vie même normale. On n'a même pas besoin d'être religieux pour comprendre ça. Tous les prophètes ont prêché l'amour. Bouddha, et c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples, que l'amour, c'est tout. C'est la solution à tout. Jésus, celui que vous appelez le Jésus blanc là, lui aussi, il a enseigné les gens sur l'amour. Bon, maintenant, l'amour là est où? Je vous ai dit que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne voit pas, c'est un menteur parce que tu détestes ton frère. Et c'est cette question, s'il vous plaît, qui a vraiment embarrassé notre pasteur. Je lui ai dit, mon frère, tu continues à m'insulter, de me traiter de nom d'oiseau, de diabolique. Prends un peu ta Bible. Prends le livre de 1 Jean. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, lis. Et on a entendu au cours de la conférence, il a lu à haute voix. J'ai dit, bon, maintenant, est-ce que tu trouves que ton comportement est normal par rapport à ce contexte? On n'a pas besoin d'interpréter. Toi, tu dis que tu aimes Dieu, tu veux même tuer au nom de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. Mais entre-temps, ton frère, tu ne l'aimes pas. Toi, tu ne m'aimes pas parce que tu ne veux pas... Moi, je ne suis pas dans ton kumbanisme. Qui t'a dit que moi, je m'identifie par rapport à Kumbangi? Au Gabon, toi, tu connais qui était le premier prophète que nous avons eu au Gabon? Je lui ai cité les noms d'au moins 3-4 prophètes au niveau du Gabon. Il ne les connaît même pas. Il dit, oh non, on ne les connaît pas. Alors, on t'a dit que les Américains, ils s'en foutent de qui est Kimbangi, qui était tel, ou bien Chaka Zulu, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Chacun fait son histoire. Donc, chers frères, le message de ce matin, c'était pour vous dire, arrêtez l'esprit sectaire. La connaissance ne s'impose point, mais la connaissance se démontre par des actions. Et je crois qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Pierre qui a dit ceci. Chers frères bien-aimés et sœurs, évitons de trop parler, mais posons des actes. Car par les actes, nous allons attirer, mais par les paroles, nous allons diviser. Il n'a pas tort. Par les actes, nous allons attirer la parole de l'évangile, mais par les paroles, nous pouvons diviser. Mais effectivement, il a eu raison. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, la religion a tué l'esprit. La lettre a tué l'esprit. Ce n'est plus l'esprit qui travaille, mais c'est la lettre. Les gens prennent tout à la lettre. Donc, je suis arrivé à plusieurs conclusions et déductions. Connaissant ce que c'est la religion énerve Dieu. Je pèse mes mots. Hein. J'ai dit, la religion énerve Dieu. Mais la spiritualité nous rapproche à Dieu. Voilà pourquoi j'ai des personnes de toute obédience ici. Parce que moi, je parle de spiritualité. La spiritualité n'est pas forcément, je ne fais que le répéter. Ceux qui sont en train de préparer des voyages pour moi, là, quand je vais venir, que ce soit en France ou dans d'autres pays, Je n'ai pas dit que je viendrai vous imposer le bouti ou bien vous initier faire manger les babouas sacrés. Non, je viens partager avec vous mes expériences spirituelles. Je viens vous aider à éveiller votre esprit. Parce que dans chaque siècle, à chaque temps, dans l'espace et le temps, il y a toujours des hommes que Dieu choisit d'une manière ou d'une autre. Que vous le vouliez ou pas. Il n'existe aucun doctorat de la spiritualité. Je n'ai aucun diplôme de la spiritualité. La spiritualité résulte tout simplement d'une relation personnelle individuelle avec l'être suprême, sous couvert de plusieurs voies et moyens. Moi, je suis passé par une voie trop brutale, près de 19 milieux magiques, les loges à gauche, à droite, des magies noires, des parties par là. J'ai risqué ma vie, j'ai été giflé même par des archanges. Je suis sorti vivant. Et voilà, je viens faire mon témoignage pour vous dire que maintenant, vos religions, vous êtes, restez-y. Personne, moi je ne viens pas vous forcer d'abandonner vos religions. Je vous dis simplement ceci, que là vous êtes là-bas. Par exemple, pour les chrétiens, j'ai créé une science qu'on appelle la mystique chrétienne. Ce n'est pas moi qui même qui ai créé cela, ça existe. Saint Martin de Pascali, le créateur, l'un des grands maîtres de rosicrucien, il avait amené une pratique qu'on appelle la mystique chrétienne. C'est tout simplement la compréhension et la mise en application des principes bibliques. Les catholiques, peut-être, n'appellent pas ça la mystique chrétienne, mais ils sont les premiers à avoir créé des livres de prières basés sur des psaumes, sur certains versets de la Bible que vous pouvez appliquer. Et c'est ça, c'est des experts, c'est des gens qui jour et nuit ne vivaient que de ça. Moi, je crois que si je n'avais pas mes deux boulots là, et là, reparti à l'école, si je ne faisais que ceci, mais moi, je peux passer tout mon temps à analyser tous ces versets-là et vous trouver encore beaucoup plus de compréhension. Et c'est ce que ces mecs-là faisaient, ils n'avaient rien d'autre à faire. Ils ont donc écrit la compréhension des prières, des psaumes. Et ça aide beaucoup les gens. Parce que tout le mécanisme passe d'où? Ça passe dans la tête. C'est la foi. Mais non, vous venez imposer aux gens vos croyances. Vous venez imposer faire la guerre aux gens. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale a été créée par les religions. L'histoire l'atteste. Oui, oui, oui. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la religion qui l'a créée. Et la Troisième Guerre mondiale qui se prépare à l'horizon, qui se profile à l'horizon, c'est la religion encore. Je l'ai déjà dit dans d'autres enseignements, je ne vais pas vous dire le nom de la religion, mais tout le monde sait et d'accord que c'est cette religion-là qui va créer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'on leur fait trop la guerre à leur pays. On les prive trop. Vous comprenez? Donc, la religion énerve Dieu. C'est dans ce sens-là. Pardonnez-moi, mais c'est ma philosophie à moi. Vous n'allez pas lire ça dans un livre. C'est moi, Moréon Ouvier, qui dit que la religion que vous voyez là, ça énerve Dieu. Mais par contre, c'est la spiritualité qui lui donne la joie. Parce que la spiritualité, pourquoi? Mais Dieu t'a créé à son image, à l'image de Dieu, tu as été créé. Et au fur et à mesure que tu cherches Dieu à l'intérieur de toi-même, comme la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des temples qui sont faits de mains d'hommes, mais que le véritable temple de Dieu, selon 2 Corinthiens, se trouve à l'intérieur de vous-même. Mais dès lors que vous faites la réalisation de ce temple en vous, et que vous faites votre travail, selon Josué chapitre 1, du verset 6 jusqu'à 8, les religieux là, ils connaissent ça, même l'islam connaît ça. Hein? Que ce livre de la loi, que cette Bible-là, que ce Coran-là ne se détache point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Applique ce qui est écrit. Ainsi, ce faisant, quand tu vas appliquer ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est-à-dire dans la Bible, vous verrez que votre vie va s'améliorer. En faisant quoi? En méditant. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit prie le jour et nuit. On a d'abord dit médite-le jour et nuit. Et ensuite, applique. Donc, par la méditation, qui est un grand mouvement universel qui permet votre âme à vous s'ouvrir avec l'âme universelle, teta, manga, dibanga, banga, avec tous les risques que cela entraîne, parce que même les démons peuvent vous visiter, mais vous avez un guide, et ça fera partie des conférences que nous allons faire. Donc, par votre état de méditation, l'esprit universel, certes, va vous habiter, avec le temps, dans cet état de neutralité absolue, au fur et à mesure, par la méditation, vous allez comprendre les grands mystères de la vie, et maintenant, vous allez appliquer les commandements divins. C'est pas moi qui ai dit, c'est écrit comme ça dans le livre de Josué. Ouais, c'est écrit ainsi. Médite que ce livre de la loi, que cette Bible-là ne se détache point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, médite sur ça. Et agis selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi qu'en agissant ainsi, tu auras du succès dans ta vie. Ne te l'ai-je pas dit? C'est pas moi qui dis ça. Vous voulez que je vous montre le passage? Le psaume numéro 1 et le numéro 3 nous disent quoi? que celui qui applique la parole, celui qui suit la sagesse divine, il va être comparé à un arbre, lequel arbre planté près d'un ruisseau, parce que cet arbre-là va toujours flétrir. Il y aura toujours des fleurs, il y aura toujours les feuilles. Parce que cet arbre-là est planté à côté de quoi? À côté d'un ruisseau d'eau. L'eau ne fait que passer par là. Voilà. Le ruisseau d'eau est là et les feuilles ne feront que être toujours belles à voir. C'est comparé à quelqu'un qui travaille dans son temple intérieur, qui suit les enseignements sans offenser les autres, sans insulter les gens, sans avoir l'esprit sectaire. Maintenant, un bouddhiste, moi je vous ai dit, je suis rentré dans le bouddhisme. Ce n'est pas par choix, mais à cause de mes arts martiaux. Je suis dans les arts martiaux depuis 1975. Donc, étant dans les arts martiaux plus de 40 ans, au fur et à mesure, j'ai été introduit dans certains milieux. Avec le temps, quand j'avais des moyens, l'argent, j'ai voyagé à Taipei, Taïwan, au nord de la Chine là-bas. Et ici, aux États-Unis, j'ai rencontré des grands maîtres. En France, j'ai rencontré des grands maîtres chinois, de Tai Chi, de l'autre style qu'on appelle le Wang Tang Shun ou le Qing Wang. Donc, tous ces styles-là m'ont mis en contact avec une philosophie qu'on appelle le taoïsme. Mais ce taoïsme m'a mis en connexion également avec le bouddhisme. Mais, donc, pour des raisons d'intérêt intellectuel, de compréhension intellectuelle et spirituelle, je me suis lancé dans ces choses-là. Mais j'ai appliqué 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Et les pauvres Chinois et les Japonais ne m'ont pas imposé que toi, nous viens, tu dois accepter, parce que toi, ton Dieu là du Gabon, c'est diabolique. Ils n'ont pas dit ça. Mais c'est au fur et à mesure que j'avançais dans ces arcanes secrètes-là, que je me suis rendu compte que, mais tiens, il y a du bon dans ceci. J'ai pris ce qui est bon et j'ai rejeté ce qui est mauvais. Et c'est ce que je vous dis, que j'aurai à partager avec vous certaines expériences que moi j'ai intitulées les initiations douces. Mais les initiations douces, c'est quoi? Mais ce sont des connaissances expérimentales que moi-même j'ai acquis dans l'espace et le temps. J'ai choisi ce qui était bon, j'ai puisé ça et là. Par exemple, comment sortir un vampire, ce n'est pas l'Obuiti qui m'a appris ça. Dans l'Obuiti, vous sortez un vampire uniquement quand vous mangez le bois sacré. Et votre esprit voyage dans l'espace et le temps, contrôlé par quelqu'un, de peur que vous fassiez buter par quelqu'un. Mais la méthode que moi, on m'a appris, je n'ai pas besoin d'un guide. Je suis simplement les instructions. Je fais ce qu'on appelle un entraînement. Tout comme dans le karaté, on m'apprend comment plier le coup de poing, on m'apprend comment attaquer, on m'apprend comment arracher les yeux de quelqu'un, ou bien comment casser les testicules de quelqu'un, ou bien comment, à travers les 85 points vitaux ou les points mortels du corps humain, quel que soit votre gabarit, même si vous avez 1000 kilos, mais moi avec mes petits 92 kilos, je peux, d'une manière ou d'une autre, même si vous avez 1000 kilos, vous paralyser et vous faire rire pour tout le reste de votre vie. Ce n'est pas que je suis fort, mais c'est la connaissance. Voilà pourquoi quand la connaissance vous a transcendé, vous devenez cette connaissance, il n'est plus question pour vous d'aller imposer aux gens votre manière de vivre. La vie est un roseau, les Chinois disent. C'est ce qu'on m'appelle dans le taoïsme. La vie est un roseau. Vous qui n'avez pas grandi au village, je ne sais pas si vous connaissez le roseau. Le roseau suit son mouvement en fonction du vent. Quand le vent va à gauche, le roseau s'en va à gauche. Quand le vent va à droite, il suit le mouvement. Mais le roseau ne va jamais se casser. Hein? Le roseau ne se cassera jamais. Et je n'ai jamais vu un roseau mourir. J'ai grandi dans le lac Azingo, j'ai observé ça. J'ai regardé ça au lac Adagalier, j'ai regardé. Je n'ai jamais vu ça. Dans la zone de Wongawongé, dans la zone même de Congo là-bas, dans le Fernabaz, j'ai regardé ça. Pareil, le roseau n'est jamais mort. Du côté du Congo, quand j'étais dans la zone de Dolizy et autres, j'ai observé le même phénomène. Je n'ai jamais vu le roseau mourir. Comprenez? Et ceux qui sont en Chine, moi j'ai été en Chine, pour mes marchés de stage, dans la zone de Taïwan, Taipei, je vous dis, le maître nous a amené à observer cette philosophie-là. Parce que quand ils vous donnent des enseignements, vous observez. Voilà pourquoi au cours de mes conférences, c'est la même chose. Je vous ai dit que les arbres que vous voyez là donnent la vie. À travers l'arbre, vous pouvez vivre même jusqu'à 100 ans, 150 ans, voire même plus. À travers une technique qu'on appelle la technique aérienne, donc vous consommez uniquement de l'air. C'est pendant mes 2 jours de silence que j'applique, ou des jours que je choisis pour garder mon silence. Je me nourris que de l'air, hein. Je ne mange pas la nourriture. Je ne mange ni œufs, ni quoi. Je ne bois même pas l'eau. Je me nourris seulement de l'air. Mais comment ça se passe? Mais ça, c'est des secrets que j'ai appris au Tibet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation douce. Vous pouvez être libre d'accepter cela pour améliorer votre vie. Mais je ne vais pas vous en imposer. Au lieu de traiter les gens d'abord de sorciers ou de diaboliques, est-ce que vous avez d'abord expérimenté ça? Mais c'est la peur. C'est la peur qui... qui fait en sorte que les gens vous jugent. Parce qu'ils vont dire, mais comment ce type-là qui vient nous parler là, oh, il a fait les magies noires, il a eu le portefeuille, non, il est diabolique. Vous voyez, ils sont obligés de passer par des jugements. Or, je vous avais dit que toute technique spirituelle, même religieuse, il faut avoir un vampire fort. En d'autres termes, il faut avoir un esprit qui est fort. Moi, quand j'étais chrétien, j'ai prié. J'avais l'impression que je quittais la terre. J'avais l'impression que je lévitais. Voilà, c'est le terme, la lévitation. Mais à un moment donné, quand j'ai plus la peur, je sens que je tombe. Mais chacun a son expérience et son élévation spirituelle. Celui qu'on appelle Saint-Patrick l'Irlandais, là, qui priait 600 fois par jour, il n'avait jamais été chrétien. Mais le type allait jusqu'à ressusciter les morts. C'est comme le témoignage de Kwambungi Kimbungi. Moi, j'ai ce livre. On nous dira que Kwambungi Kimbungi a ressuscité des enfants. Ce n'est pas faux. Il n'y a pas que Jésus qui a ressuscité. Vous êtes en mesure de ressusciter quelqu'un. Pas de résurrection que j'entends. On parle maintenant sur l'histoire de Côte d'Ivoire, là. C'est pas la bouche. La résurrection, c'est pas la bouche. Et un vrai maître ne parle pas trop. Moi-même, j'ai vu de mes yeux, mes maîtres qui m'ont enseigné le Tai Chi Kwan et le Xuan Tang Qing et le Wing Chun. Un vieux papa de 93 ans, pas on a vu. C'est parce que je n'avais pas l'appareil photo. Mais prochainement, je ferai tout pour prendre cet appareil photo. Pas de trucage, hein. J'ai vu le mec marcher sur l'eau. Donc, il n'y a pas que Jésus qui a marché sur l'eau. Il y a des gens qui le font jusqu'à aujourd'hui, mais ils ne se font pas voir. C'est le phénomène spirituel. Quand vous avez atteint certains niveaux spirituels, moi, je ne vous ai pas dit que je l'ai fait. Oh, pardon, n'allez pas raconter que mon oubli a dit qu'il a marché sur l'eau. Je ne marche pas sur l'eau. Je peux marcher sur le feu parce que c'est une technique des arts martiaux qu'on nous a appris, comment maîtriser la peur et maîtriser la douleur. Parce que tout est dans la tête. En plus, j'ai l'avantage d'avoir un diplôme en psychologie. Tout est manipulation psychologique, tout est croyance, tout est question de votre esprit. Parce qu'à partir de l'esprit, vous pouvez commander votre corps. À partir de votre esprit, vous pouvez commander votre pénis de bander ou bien de le détruire ou d'arrêter de bander. Tout part d'ici. Voilà la grande commande universelle. C'est notre même esprit. Et plutôt notre cerveau. Bref, j'ai posé trois questions fondamentales à toutes ces trois religions-là. Quand vous me donnerez des réponses, je crois qu'il serait mieux de vous taire et éviter d'imposer vos croyances aux gens. C'est l'esprit sectarien, ça. Et cet esprit sectarien, c'est ce qui va amener la troisième guerre mondiale. Par contre, je vous encourage à l'esprit syncrétique. Le syncrétisme, j'ai même une vidéo là-dessus, c'est que c'est le syncrétisme. C'est cet esprit d'ouverture qui vous permet d'écouter quelqu'un qui parle. Vous l'écoutez. Et puis chacun son tempérament. Il y a des gens qui parlent énergétiquement. Moi, j'ai hérité ceci peut-être parce que je suis un ancien pasteur protestant. Parce que nous, quand on prêche devant le pibachin, là, oh, et quand l'esprit, à l'époque, moi, les gens même, je parlais, je priais en langue. Quand je prie en langue, le corps bouge, la sueur, je touche les mains, les gens tombent à gauche, à droite. C'est pas que je faisais les prises de judo. Donc, cette affaire grégorique, la marche. C'est pour cette raison qu'il y a des chrétiens pour qui je prie et je mets les mots ici, les mains dessus et puis ça marche. C'est parce que je peux me faire voir. J'ai une dame là qui m'a découvert ici là. Cette dame là, elle est paralysée depuis combien de temps là? On a fait seulement une petite prière. Une petite prière de 15 minutes. Mais la dame me dit que mais mon Dieu, après la prière, le lendemain, elle se sentait comme si elle va s'envoler. Et pourtant là, on a seulement prié au téléphone. Mais imaginez-vous si c'était face à face. Je n'ai pas dit que je détiens des pouvoirs, pardon. J'ai seulement dit que je ne suis que quelqu'un qui est comme un canal d'expression. Bon, maintenant, pour ceux qui sont trop fanatiques, appelez-moi canal d'expression diabolique comme vous voulez. Mais ma famille, mes amis, mes collègues de travail, là où je travaille, ils savent bien que je ne suis pas un diabolique. Parce que j'ai l'amour. J'ai le souci de transmettre le savoir. J'ai le souci de guérir. J'ai le souci de sauver. J'ai le souci d'amener les gens vers le divin. Même mes conférences que je fais, demander les gens. Est-ce que je leur dis, moi, je veux vous donner mon argent des poches quand je veux venir, il faut me donner 2 000 euros ou bien 50 000 euros. Jamais. Chez ces mardis, même le billet, moi-même, je paye. Qui va vous dire ça? Qui le fera pour vous dans le monde là? Un monde d'égoïsme où les gens cherchent à transmettre des faux savoirs qu'ils vont lire dans les livres et des savoirs parfois qu'ils puissent dans des religions pour venir vous mentir et à la fin, vous n'avez aucun résultat. Mais moi, je viendrai, vous-même, vous allez voir les résultats, parce que je ferai des phases, ce qu'on appelle expérimentales. Quand je vous dirai, prends cette bougie, pose-la ici, appelle tel esprit, vous-même, vous allez voir, vis-à-vis. Maintenant, nos amis religieux vont dire, l'esprit-là, c'est le diable. Qui nous a dit que toute chose, c'est le diable? Et c'est vous qui attirez le diable vers vous si vous ne savez pas. Voilà pourquoi, à Libreville, récemment, la semaine dernière, il y a une jeune fille, et pourtant qui prie tous les jours, alléluia, le gars et le pasteur sont en train de prier, prend le couteau pour lui couper, trancher la tête. Dans un lieu divin, dans un lieu spirituel. Donc, arrêtez-moi cette guerre. Retenez ceci. Que la religion énerve Dieu à cause de vos comportements. Et je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Celui que vous appelez Jésus n'en a-t-il pas dit que voilà, vous là, chef religieux, grand docteur de la loi, docteur de théologie, docteur de connaissances, de ceci, cela. Aujourd'hui, on ne peut pas être pasteur dans une église si vous n'avez pas un doctorat. Même moi, avec le bachelor, là, que j'ai, oh, les gens commençaient à bouder. Qui vous a dit que pour être un véritable homme de Dieu, vous avez besoin de tous les doctorats ou quoi, quoi, quoi là? Et ce sont les mêmes bandes de voyous qui font du désordre. Jésus s'adressa à eux en disant ceci. Vous êtes comme qui? Vous êtes comme ces tombeaux qui, blanchis de l'extérieur, paraissent très beaux à voir, avec des belles fleurs, des belles peintures, mais à l'intérieur, c'est des ossements pourris et de conneries, et de la pourriture. Arrêtez d'intimider les Gabonais. Arrêtez de les tromper. Arrêtez de tromper les Africains avec vos religions étrangères. Toi, tu es Bateke, continue avec ton Djobi. Hein? Tu es un Gomienne, continue avec ton Djembe, ou bien Bumbayano, ou je ne sais quoi, ou bien Butiakowa. Voilà, c'est comme ça qu'on doit se développer. Chacun doit être en connexion avec son rite ancestral. C'est comme ça que le monde a commencé. Abraham suivait le rite ancestral de son père Terah. Et il a continué. Je vous donne un rite là, comment nos ancêtres priaient. C'est la prière là que vous voyez les musulmans faire là. Bien qu'ils le fassent d'une autre manière. Mais je vais dire le rituel. C'est comme ça nos ancêtres priaient. Donc apprenez à prier. Parlez avec vos ancêtres. Alors, je dis une fois de plus que la religion joue un rôle, certes. Mais la religion a perdu son rôle. Parce que si aujourd'hui la religion aurait suivi le cheminement, la voie à laquelle il se serait assigné pour sauver le peuple, je vous dirais que par contre, le monde serait meilleur. Mais allez-y savoir, le taux de criminalité, on le trouve le plus élevé dans les pays religieux. La Chine, je prends un exemple, j'ai toujours pris cet exemple. Allez-y, mais citez combien d'églises, au nom de Jésus, comment la Chine s'est développée. Ou au nom du prophète Kumbangi, ou bien au nom du prophète Mohamed. La Russie, allez-y, me dites au nom de quel prophète ces pays se sont levés. L'Iran, aujourd'hui l'Iran est en train de défier les États-Unis d'Amérique. Même le président américain, il est gêné là. Les Iraniens ont dit, mais tu peux nous mettre les sanctions, on s'en fout. Tu peux même nous mettre pendant 100 ans, 40 ans, non, tu ne payes pas nos produits, on s'en fout. Tu n'es pas le maître de nos richesses, nous on va continuer à vivre. La Libye, ils ont fait ça la Libye, non? Pendant 10 ans. Et la Libye est devenue plus forte. Ils ont fabriqué les voitures, les blindés les plus puissantes au monde, avant même les Américains. Entre temps, ils étaient sous embargo économique. Donc, soyez fiers de vos traditions. Et quand vous êtes fiers de vos traditions, n'allez pas les imposer aux gens. Moi, quand je parle avec mes amis blancs là, je parle avec eux souplement. Parce qu'ils me posent des questions. Mais toi, tu es toujours là, reculé, et tout calme, tu ne veux pas parler. Pourquoi tu ne parles pas le dimanche, le lundi? Pourquoi tu ne veux pas travailler quand tu es programmé? Pourquoi? J'ai dit, ah, j'ai mes raisons à moi. Ah, mais toi, tu es un homme dangereux. Hein? Et puis, je leur explique les petits mystères de la vie. Et ils me comprennent. Voilà comment vous devez amener les gens petit à petit pour vos croyances. Mais vous voulez imposer par la force. Qui êtes-vous? Alors que vous-même, votre corps n'est même pas encore purifié. Votre esprit n'est même pas encore prêt. Vous-même, vous ne sautez pas en vampire pour aller rencontrer Kabungi ou bien aller rencontrer Jésus. 0-0. Et vous allez demander ou dire aux gens, vous êtes ceci, cela. On vous a dit que la spiritualité, ça se parle? La spiritualité, ça se parle pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, la science se réjouit du conflit entre la religion et la spiritualité. Vous comprenez? Voilà pourquoi aujourd'hui, la science se moque de la religion et de la spiritualité. Et d'abord, un homme spirituel est véritablement scientifique. Vous allez l'apprendre au cours de mes conférences. Oui, vous verrez que toute expérience mystique que je ferai devant vous, ça n'a rien à voir avec un démon. Quel démon? Le démon, c'est vous qui le créez. Je n'ai pas dit que ces esprits n'existent pas. Ce sont les esprits du miasme du bas astral. Allez-y me suivre la vidéo sur le pouvoir de la pensée. Les trois catégories des pensées. Qu'est-ce que les pensées peuvent me faire dans votre vie si vous ne contrôlez pas vos pensées là? Parce qu'à la fois, il y a trois pensées. Il y a la pensée qui vient de vous, il y a la pensée qui vient des autres humains qui vivent dans d'autres planètes, et il y a la pensée qui vient des divinités. Alors, est-ce que vous connaissez tous ces mécanismes? Mais votre humble serviteur vous explique cela scientifiquement. Mais quand vous allez dans une religion, vous direz non, la pensée c'est diabolique. Moindre chose c'est diabolique. Quelle diabolique? Parce que la véritable spiritualité, je le répète, elle est scientifique. Les premiers grands savants du monde, c'étaient nos maîtres initiés de l'Égypte. Ah oui, oui, les pharaons égyptiens. Sinon, Descartes aurait menti. Sinon, Josephus, grand écrivain du monde contemporain chrétien du 1er siècle, aurait menti. Sinon, Charlemagne aurait menti. Donc, les premiers grands savants, c'étaient des grands mystiques. Mais leur mysticisme ou les théories spirituelles étaient démontrées même scientifiquement. Vous comprenez? Je vous avais dit que celui qui a créé le téléphone, il était un grand mystique, un initié de la parapsychologie. Et votre humble serviteur est diplômé en parapsychologie. Il existe plusieurs écoles ici aux États-Unis. La parapsychologie, c'est quoi? C'est l'étude du paranormal. Ce que l'homme n'arrive pas à expliquer. Les Russes, jusqu'à la troisième, après la deuxième guerre mondiale, ils espionnaient les Américains à travers quoi? Non pas à travers des appareils, mais à travers des gars qui sont bien entraînés dans les phénomènes psy. Les phénomènes psy, c'est quoi? C'est des gars qui étaient capables de transmettre, de voyager dans l'espace et le temps, ce qu'on appelle la télépathie. Télépathie veut dire transmettre votre pensée et votre message. Et télépsychie veut dire recevoir le message. Vous pouvez le faire. Vous êtes à Paris, l'autre est à Marseille. Faites-moi ces entraînements entre vous. Vous verrez, vous vous entendez sur l'heure. Tu dis, bon, Jules, moi, à 21h15, hein, il faut qu'on se câble. Bon, André, oui, tu es où à Marseille? 21h15. Vous vous concentrez. Vous faites les respirations pendant 3 ou 4 fois selon les méthodes que je vous ai apprises. C'est-à-dire, je suis la lumière de ma âme dans toutes les cellules et les organes de mon corps. Je suis cette lumière de ma âme. Et qu'est-ce que ça veut dire, Maat? En langue égyptienne, selon les hiéroglyphes. Allez-y m'apprendre ça. On vous demande de lire nos véritables livres écrits par les Noirs, écrits sur l'Égypte. Et vous êtes là en train de vous dire les fesses de l'histoire de oh, bah, il est Alléluia, par-ci, par-là. Alléluia va vous amener où? J'ai des gens qui se confient en moi que même ceux qui sont dans ces religions-là, ils sont persécutés jour et nuit. Moi, je vous dis, le diable, ce n'est pas moi qui ai inventé. 2 Corinthiens 13 dit bien ça, que le diable se transforme constamment en ange de lumière au sein de l'Église. Alors, allez-y savoir. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés. J'ai été clair dans mon message. Je viens ici encourager les gens d'arrêter l'esprit sectaire. OK? Si ça arrive, hein, moi, je vous ai dit que quand j'étais pasteur, je priais en langue. Je prie en langue. Et aujourd'hui même, il y a des chrétiens, je vous dis, il n'y a même pas une semaine, je vous dis, il y a une dame, je lui ai demandé, toi, tu es quoi? Elle dit, oh, moi, je suis chrétien, non, avec mon Jésus. Je dis, ok, nous allons prier, au nom de Jésus. Elle-même, elle a vu le miracle. Je ne peux pas citer son nom. Elle est là, elle me suit. Ou bien, je ne sais pas là où elle est. La dame-là a été opérée, paralysée et tout, elle ne pouvait pas marcher. Mais cette dame-là dit que non, vraiment, elle sent vraiment qu'elle va voler, elle va s'envoler. Mais quoi? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes égrégoriques. Elle a branché, elle a greffé sa foi en lui. Et moi aussi, comme je suis un ancien pasteur, je travaille avec tous les égrégores, je vous ai dit, je traque les égrégores musulmans, les égrégores chrétiens, les égrégores de Bouti, les égrégores de toutes les loges. Donc, même si vous êtes un maçon, vous avez un problème maçonnique, je peux prier pour vous. C'est mon rôle. Donc, je suis un libre penseur, un initié qui appartient à la loge universelle blanche, c'est-à-dire à la loge invisible. Je suis sous le sceau de mes grands maîtres et de mes ancêtres. Donc, tous les pouvoirs que j'ai reçus des différentes entités, des différents génies que j'ai contactés à gauche, à droite, j'ai choisi le bon. Ça m'a fait un grand travail de privation. Voilà pourquoi j'ai fait mes premiers enfants en retard. Le sexe ne m'a pas distrait. Parce que le sexe est un élément destructeur. Quand je dis aux gens que moi, ma première femme, la première fille que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est à l'âge de 26 ans, les gens se moquent de moi. Je dis, vous ne saviez pas pourquoi? Parce que j'étais préparé, moi. Et je suis à ma troisième incarnation consciente dans mes initiations incarnatoires. Bref, je ne vais pas vous amener dans ces français complexes pour vous dire ceci. Arrêtons les guerres sectaires. Ça ne vous amènera nulle part. Vous venez me suivre ici, vous pouvez faire vos commentaires. Mais réservez, droit de réserve. Ne venez pas me traiter de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas grave, je suis habitué. Je vous dis qu'hier, on m'a traité de diable, de ceci, cela. Heureusement, la majorité des pasteurs qui étaient là, certains d'entre eux ont reçu des traitements de moi. Ont reçu des guérisons. Ah oui, spirituelles et physiques. Ils ont acculé le frère du Congo. Ils ont dit, non, non, non, mon frère, là, tu vas un peu trop loin. Oh, non, non, non, ce monsieur-là, il est diabolique. Mais je lui donne le verset biblique. Je dis, mais oui, même si tu dis le diable connaît la Bible, mais qu'est-ce que tu en fais de l'application de 1 Jean chapitre 4? Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais il déteste son frère. Il traite son frère de nom d'oiseau. Il traite son frère de diabolique. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Parce que pour prouver que tu aimes Dieu, il faut aimer d'abord ton frère. Est-ce une logique, oui ou non, chers camarades qui me suivez? Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas. Auquel camp vous prendra des menteurs. Et c'est à cause de ça que beaucoup de personnes ont perdu la foi en Dieu. Ce n'est pas mon objectif de vous faire perdre votre foi en Dieu. Je suis ici pour renforcer votre foi en votre Dieu. Quel que soit le nom, quelle que soit votre religion, que vous soyez du kimbanguisme, que vous soyez du christianisme terrestre ou céleste, que vous soyez de Dieu debout, Jésus en bas, que vous soyez de Marie-Marie-Hélène, reine de Shabbat, que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez je ne sais pas trop quoi. Mon objectif, c'est de vous dire, si vous pensez que vous avez peur de quitter votre égrégore, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça en science, hein, en tout cas, allez-y voir n'importe quel spécialiste en recherche spirituelle. Je suis chercheur, je vous l'ai toujours dit, je ne vais pas me répéter. Je suis membre de la plupart des journaux scientifiques ou des facultés scientifiques, que ce soit partout là. Donc, je suis aussi un homme scientifique. Je ne viens pas partager avec vous des connaissances bêtes. Par exemple, quand je parle de la technique de la purification que je divulgue dans le forum, et s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer en dessous de cette vidéo-là, pendant que vous me suivez, vous cliquez sur le titre-là et vous verrez le forum va apparaître sur WhatsApp. Et vous vous abonnez à partir de votre téléphone Android. Voyez-vous? Donc là, je réponds à des questions directement, des questions beaucoup plus pratiques. Ici, je ne peux pas parce que c'est au public, il faut un droit de réserve, je risque de choquer. Par exemple, là où je parle à faire des religions, les gens s'énervent n'importe comment. Mais je n'ai offensé personne. Je ne fais que me baser sur leurs propres écrits. Votre humble serviteur connaît toute la Bible par cœur. La même Bible, je vous ai dit, je consulte les gens avec la Bible. Je pose la question, la Bible tourne. C'est un monsieur, papa Joseph Nienson, qui me l'avait appris au Gabon. En 1979, le premier grand photographe du Gabon qui est venu au Gabon vers les années 58-59. Okay? Il est mort récemment. Donc, ce papa-là m'a appris comment consulter avec la Bible. Donc, la même Bible peut être exploitée par des sorciers, peut être exploitée par le diable, je suis d'accord, peut être exploitée par n'importe qui, par des scientifiques. Le Léviathan, je vous avais expliqué cela la dernière fois que le Léviathan, c'est quoi? Mais c'est le fameux, les fameux sous-marins. Parce que le Léviathan éjecte des venins. Mais le sous-marin éjecte des venins sous forme de missiles sous-sol. C'est comme ça le rôle des sous-marins. Voilà pourquoi les pays les plus puissants, là, ils en ont plein. Ils n'ont pas besoin d'envoyer un avion. Non, non, non. Depuis les eaux là-bas, le sous-marin balance ça. Et vous verrez la forme du sous-marin. C'est exactement la même description que le prophète avait donnée sur le Léviathan. Mais qui vous a dit que le Léviathan, c'est forcément le diable? Mais le pasteur viendra dire, oui, le Léviathan, c'est le diable parce qu'il vous éjecte les venins. Les venins, là, passent par ceci, cela, tu vois les fesses d'une femme ou les seins. Ok, ça, c'est son interprétation. Chacun peut s'inspirer de la Bible. Chacun peut s'inspirer de n'importe quel livre saint. D'abord, les auteurs. Vous savez, les auteurs de la Bible, c'était des grands philosophes, hein, si vous ne le saviez pas. Ah oui, oui, oui. Les auteurs de la Bible, hein, ce sont des hauts fonctionnaires romains. Il y avait des fonctionnaires, il y avait des philosophes, il y avait des théosophes, il y avait même des psychologues et quelques prophètes qui étaient la majorité de nos frères noirs, qu'on appelait les gnostiques messianiques. Donc, ces gnostiques messianiques qui ont écrit, par exemple, le livre de Habakkuk et tout ça là, et le livre du prophète Enoch, qui malheureusement a été retiré, mais moi je retiens, j'ai une copie avec moi. Voyez-vous, les livres de la mer morte qui n'ont pas été canonisés, comme le disent les gens des bâtiments, les Romains. Donc, l'actuel Vatican que vous voyez là détient tous ces secrets-là. Maintenant, vous qui êtes venus hier là, le protestantisme était la première religion rebelle, c'est d'où le nom protestant. Au 16e siècle, vers les années 1500, combien là, il vient là-bas, il faut le brouiller. Ah, bah, vous, catholiques, là, c'est faux. Ce que vous dites là, c'est faux. Mais vous êtes revenus sur la même chose. Vous croyez à l'enfer alors que l'enfer n'existe pas. Mais c'est des vieux enseignements qui datent depuis l'Égypte. Nous, nous avions notre explication à nous d'expliquer quand les morts vont en enfer. Mais aller en enfer veut dire quoi? Ça, là, la véritable initiation vous explique. La résurrection, c'est quoi? Nous, en tant qu'initiés, j'ai une vidéo sur la mort. Allez, je me suis visionné cette vidéo-là. La mort, première et deuxième partie. Je vous explique ce que c'est la mort en trois dimensions. La mort physique, la mort clinique, la mort spirituelle et la résurrection. Qu'est-ce que c'est? La résurrection, non pas les chrétiens dans la Bible. Hein? Parce que les gens pensent qu'il n'y a que Jésus qui doit ressusciter. Les gens ne savent pas que vous tous pouvez vous ressusciter. La résurrection est une prise de conscience spirituelle. L'éveil de votre conscience qui vous amène à d'autres dimensions. À travers le bois sacré, vous pouvez être ressuscité. À travers les BAB, des initiations douces et fortes, vous pouvez être ressuscité. Donc la résurrection, c'est simplement le réveil de votre esprit, de votre étoile que Tetra Mwanga a mis en vous. Cette étoile qui dort, elle dort à cause de l'ignorance. Elle dort à cause du péché, parce que les religieux disent c'est le péché, on a péché, c'est pour cela. Hein. Il faut aller au Saint-Esprit, il faut prier, alléluia, à gauche, à droite, pour que maintenant, notre esprit se canonise et se branche sur le Saint-Esprit. C'est ça, le phénomène de la vie, de la résurrection. Ressusciter veut dire ramener à la vie une incarnation spirituelle consciente par l'éveil de votre conscience. Et cet éveil de cette conscience passe par plusieurs degrés. Le degré d'abord de désindividualisation. Vous vous désindividualisez veut dire quoi? Vous faites mourir le vieil homme. Faire mourir le vieil homme veut dire quoi? Détruire les mauvaises, les vieilles habitudes. Et dans le bouton, on vous dira ça. Que si vous avez l'habitude de sucer ou de mettre le doigt, la langue là-bas, quelque part, arrêtez-moi ça. Si vous avez l'habitude de faire ceci, ceci, cela, on vous donne des interdits. Mais ces interdits ont pour objectif de vous désindividualiser. Parce que votre divinité est contrôlée par votre moi. Le moi, le moi, le moi, le moi, l'ego. Et cet ego est dangereux, s'empêche l'élévation de votre âme. L'orgueil, cet ego, c'est quoi? C'est l'orgueil, l'esprit de Matébi, l'esprit de Ngandong Ngandong, comme on le dit chez nous, hein, le Ngunda Ngunda, et tout ça là. Et ensuite, après cet état de désindividualisation, vous allez passer à l'état qu'on appelle l'étape de l'éveil conscient. Donc, cet éveil de la conscience, maintenant, c'est une prise de conscience. Maintenant, qui est l'éveil de votre conscience, ça passe par quoi? C'est le phénomène que Paul appelle là-bas, dans son alchimie spirituelle, il appelle ça l'éveil de la nouvelle personne ou la destruction du vieil homme. Donc votre vieil homme est détruit selon une alchimie spirituelle bien définie par l'abandon, ce que moi j'appelle, je dis bien moi, personne d'autre n'en parle, ce que j'appelle le phénomène de rectitude. Ce phénomène de rectitude, c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure, par une croix, je l'explique dans certaines vidéos, dans cette croix, d'un côté, vous mettez vos habitudes, donc le connais-toi toi-même, les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes, donc vous commencez à rentrer dans le phénomène de connaître, se connaître soi-même, comme le disait le grand philosophe Platon, je ne sais pas trop qui. Maintenant, quand vous rentrez dans ce phénomène de le connaître toi-même, maintenant vous évoluez. Est-ce que la religion vous explique ça? Zéro! Voilà la différence. Ensuite, troisième étape. C'est l'étape du perfectionnement. Cette étape du perfectionnement, puisque vous avez maintenant détruit votre vieil homme, vous êtes en train de faire réveiller votre nouvel homme qui est créé selon l'image. Donc, chez les chrétiens, on appelle ça le nouvel homme qui est conforme à l'image de Dieu, conforme au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit veut dire que l'énergie de Tetra Mwanga, son esprit maintenant, descend en vous en tant qu'âme universelle, boum, en contact avec votre étoile, puisqu'il vous a créé à votre image. Cette étoile que l'Onganga va vous dire, oh, toi, ton étoile abri, voilà pourquoi ton oncle veut te manger un vampire. Oh, l'étoile, là, il faut récupérer. Donc, cette étoile qui est l'âme divine qui est en vous, va maintenant se mettre en ébullition et tout dans le pranayama yoga ou le yoga même du kundalini. Vous verrez que le pénis se bande, vous verrez que le clitoris est tellement d'exécution, d'excitation que vous ne pouvez plus contrôler, ce qui explique par l'éveil maintenant du serpent de feu. Ça, c'est l'explication chez les Indiens. Donc, voyez-vous, donc, chez les Indiens, on explique que maintenant, là, le feu va monter à travers cette étape, donc cette montagne. Quand vous allez gravir les sept montagnes selon le taoïsme, au fur et à mesure que vous gravitez une montagne, il y a des épreuves que vous rencontrez. Maintenant, dans Kundalini, le serpent de feu, maintenant, vous montez après les érections. Si vous maîtrisez ces érections, évitez de coucher les femmes pendant ces temps. Moi, votre âme serviteur, je l'ai fait, j'étais encore vierge. Et c'est très bon de le faire quand vous êtes vierge. Ou bien si vous êtes marié, arrêtez, pas d'activité sexuelle. Parce que c'est un feu. Ce feu-là, c'est l'énergie divine. C'est l'éveil de votre kundalini maintenant. Donc, votre étoile doit maintenant se réveiller. Donc, il y a plusieurs langages. Et ça, l'avantage que votre humble serviteur a, c'est ce que moi j'appelle les initiations douces. C'est pour vous expliquer tous ces phénomènes à travers diverses traditions et l'amener à votre propre compréhension par cette initiation douce. Maintenant, si c'est trop complexe, et l'avantage, votre humble serviteur est scientifique, je suis psychothérapeute, je suis diplômé en psychologie et en théologie et en théosophie et en parapsychologie. Donc tout ça, c'est des sciences complexes pour ne pas tout vous casser la tête. Alors je vous dirais, bon, mais comme c'est trop compliqué pour vous, allons-y dans les initiations fortes. Les initiations fortes, c'est quoi? Je vais vous dire, bon, prenez-moi ceci, mélangez avec ceci, on va mettre dans le grand laboratoire. Alors, mélangez-moi avec ce dosage. Attends, on dit encore quoi? Mettez le laurier, ok, prenons le laurier, mettez dans la poudrière. Prenez l'encens de Jérusalem et on met dans le machin et on brûle. Boum! Alchimie. Et dans cette alchimie, la fumée qui va sortir, bou, bou, bou, bou, oh, bah, ah, mais alors ça vous purifie votre aura. Donc les ondes négatives vont s'enfuir. Maintenant, chez les chrétiens, on appelle ça les démons. Donc c'est une technique de purification. Vous comprenez? Voilà, ça c'est une autre forme d'initiation forte. Ou encore, vous allez manger le bois sacré. Là, c'est l'initiation forte pure et simple. Dans le bois sacré, maintenant, il y a le guide qui va vous dire, bon, maintenant, s'il est jaloux contre vous, vous voyez, moi, je vois un océan, je vais traverser. Oh, non, non, non, ne traverse pas. C'est la jalousie. Parce que si vous traversez cet océan, il ne vous arrivera aucun accident. En réalité, vous partez prendre votre bâton de pèlerinage et votre pouvoir, vous reviendrez en tant que maître. Voilà comment les phénomènes de la vie. Maintenant, la religion, là, je répète encore, la religion, c'est tout simplement le jardin d'enfant. Je vous dis la vérité. La religion, c'est le jardin d'enfant. La religion va vous dire que non. La religion va se baser sur les enseignements simplement exotériques. Dieu, il est grand. Dieu, il habite au ciel, c'est un esprit. Dieu, il est là-bas, il fait ceci, c'est bon. Ok, ça, c'est des histoires que vous allez répéter ça à quelqu'un. Est-ce qu'il va comprendre les phénomènes de la vie? Le type va se mettre à genoux. Alléluia. Oh, Jésus, viens, viens, viens. Mais rien, rien ne marche. Bon, maintenant, là, il faut quoi? Votre humble serviteur a parlé de ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Ça fera partie des conférences. Ceux qui sont chrétiens sont conviés également. C'est ça l'avantage. Moi, j'invite tout le monde. Même nos amis d'Ibouiti, ils viendront. Moi, je ne suis pas un maître d'Ibouiti. Je pourrais apprendre quelque chose auprès d'eux, tout comme eux, ils pourront apprendre quelque chose de moi. Donc, même les religieux, ne vous gênez pas. Inscrivez-vous, venez. Même les pasteurs. J'ai des amis pasteurs qui s'inscrivent. Moi, j'étais surpris. Donc, quand ils arrivent là, c'est quoi? On va rentrer dans la technique de la qu'on appelle, comment ça s'appelle ça? La mystique chrétienne, par exemple. Je l'ai fait quand j'étais devenu pasteur. Le pasteur blanc qui était là à l'église, il y avait seulement près de 150 membres. Votre humble serviteur, quand il a pris son diplôme, il devient associate pasteur, assistant pasteur. Je vous dis, on est parti de 150 à 3200 en moins de 3 ans. En moins de 3 ans. Mais il s'est posé la question. Mais c'est parce que chaque soir, tous les jeudis, je lui ai montré une technique. Je lui ai montré la technique de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il me dit, mais oh, moi je suis blanc pasteur, sautant, je suis un doctorat. J'ai dit, laisse-moi tes doctorats. Moi, je suis un initié. Je comprends la profondeur de ces choses. Donc, c'est comme ça que je lui ai expliqué. Il était surpris. Aujourd'hui, l'église se retrouve à près de 7000 membres. Il veut encore que je reparte. J'ai dit, non, non, non, moi, je ne suis pas dedans. Bonjour, pasteur. Une fois en passant, je vais dire bonjour. Et il me reconnaissant. Il me demande tout le temps, tu veux que je donne combien, machin. J'ai dit, non, non, non, non, non. Je suis un serviteur. Donc, vous comprenez que je suis un être compliqué à comprendre, n'est-ce pas? Non, c'est aussi simple. Je suis simplement un libre penseur, un initié des grands mystères de la vie, qui Dieu l'a choisi en son temps, que ceux qui me croient, ils sont libres, que ceux qui ne me croient pas, c'est leur business. Je ne viens point imposer aux gens ma philosophie. Je n'ai aucune philosophie, en fait. Je n'ai aucune religion, en fait. Car toutes les religions, pour moi, ne font qu'une. Toutes les religions, pour moi, ne font qu'une. Parce que toutes sont autour de l'essentiel. L'essentiel qui n'est autre que l'éveil de notre esprit. La rencontre avec le divin. L'ère du Verseau est là. Les rosicruciens le disent. Les francs-maçons le disent. Les chrétiens disent que le Christ va revenir. Donc chacun a sa manière de le dire. Vous comprenez? Donc, c'est l'ère du Verseau. C'est l'ère de Shambhala. Nous allons tous partir au royaume de Shambhala. Le royaume de la lumière. La grande cathédrale. Selon les mormons, ils vont vous expliquer à leur manière. Mais mon Dieu, donc tout le monde, même les chamans indiens, chez qui je suis allé m'initier, chez nos amis les Népaliens, chez les Indiens, ils reconnaissent que notre 21e siècle là, c'est le siècle de l'ébullition. Il y aura un grand changement. La fameuse fin du monde, est-ce que c'est comme ça? Oui. Ce n'est pas une fin du monde où les gens vont se bombarder, se tuer n'importe comment, mais maintenant les bombes atomiques, tout et tout. Non. L'homme est en arrivé à cet état. Il en a commis tellement des erreurs. La disparition du premier continent de l'Atlantide, c'était à cause de ça. La maîtrise de l'arme nucléaire. La disparition que nous sommes partis de la planète Mars. Voyez-vous, vous ne connaissez pas toutes ces histoires-là, mais la planète Mars, on habitait d'abord là-bas. Ça remonte à des centaines de milliers d'années, plusieurs années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les hommes firent des expériences de monstres. Mais dans les livres anciens, on dit les monstres, mais on a découvert qu'ils ont maîtrisé la haute technologie. Donc ils se bombardaient n'importe comment, des armes. Oh, Tatan Zambé a dit, foutez-moi le camp. Donc les gens ont été chassés et les maîtres qui sont arrivés, ils ont transféré le savoir vers la planète Terre. Et la planète Terre, au lieu de rester tranquille, 0 à 0. Les messagers de Dieu que vous appelez les anges là, venir coucher avec les femmes sur Terre alors qu'ils n'avaient pas le droit. Voilà pourquoi un véritable maître ne le fait pas. Ils ne font même pas d'enfants, ils ne se marient pas. Donc maintenant, ils ont fait les enfants n'importe comment, les enfants sont devenus costauds. Vous connaissez ça, c'est l'histoire de la Bible qu'on appelle le déluge universel. Là, le continent de l'Atlantide a été détruit. Maintenant, après cette destruction, mais l'homme continue encore avec les bêtises. Aujourd'hui, nous en sommes où? L'Amérique dit, moi, c'est moi. L'Iran dit, oh, toi, tu vas continuer avec ton banditisme, tu crois que tu vas nous contrôler. Le Brésil dit à M. Macron, mais toi, ta femme avec les petits pieds, là, elle est ma vieille mamie et tout. Voilà, toutes ces histoires, les réunions de G7, c'est quoi? Mais c'est l'inquiétude par rapport à l'avenir de notre planète Terre. Mais nous qui sommes initiés, on vous met au parfum. Préparez-vous, armez-vous. L'initiation, ce n'est pas simplement le bien-être équilibré. Mais c'est aussi s'apprêter à muter vers d'autres dimensions. S'apprêter à quitter cette terre, aller vers les grands maîtres. Voilà pourquoi il y a certains enseignements qui choquent les gens quand je leur dis, il me reste peu de temps, bientôt je veux partir. Ils leur disent, oh, ils commencent à être émotionnels. Mais non, moi, je suis un maître dans ma dimension, je n'ai plus du temps à perdre sur cette terre. Je m'en fous, même si j'ai seulement 50 ans ou bien 60 ans, c'est rien. Les maîtres peuvent me prendre à tout âge. Vous comprenez? Donc, notre rôle, c'est celui-là, de faire passer des messages, d'éduquer à notre manière. Maintenant, parce que moi, je n'ai pas une grande audience, parce que je n'ai pas une grande société, parce que je n'ai pas les millions, peu vous m'importe. L'argent, le matériel, ça m'intéresse peu. C'est vrai que j'ai investi, c'est vrai que j'ai un peu de sous-sol là, mais ça va servir aux enfants, ça va servir à d'autres générations. Moi, je dois partir libre, libre et libre, libre de la matière, libre de tout. Soyez bénis. Pour conclure, la guerre entre nous doit s'arrêter. La guerre basée sur des égrégores blancs doit s'arrêter. En réalité, nous, nos régions à nous ne nous recommandent pas cela. La tradition nous recommande au respect de soi, au respect de nos traditions, au respect de ton frère, au respect de ta sœur et surtout, d'un commun accord, nous avons tous un objectif, c'est celui de retourner à nos valeurs intrinsèques. Et quand nous retournons à nos valeurs intrinsèques, cela ne sert à rien. Parce que vous avez eu la malchance, je dis bien la malchance, moi j'ai eu la même malchance. Le nom qu'on m'avait donné, c'est Guy, mais je l'ai enlevé. On m'avait donné ce nom-là parce que j'étais baptisé catholique. Hein? On m'a baptisé catholique. À Port-Gentil, là, Saint-Louis. C'est la malchance que j'ai eue. On m'a fait greffer à cet égrégore étranger. Et quelques temps après, Dieu merci, ma mère m'a commencé à initier dans nos traditions. Et quelques temps après, bon, moi, ben, le grand frère me dit, non, il faut venir chez l'histoire des témoins de Jéhovah. Malchance. Quelques temps après, non, j'ai dit, moi, je vais un peu, parce que comme j'ai des femmes là, je vais tenter l'expérience de l'islam. Je rentre dans l'islam, par expérience, j'ai acquis mes connaissances, je voulais le pouvoir. Et le pouvoir, on m'a dit, pour avoir le pouvoir, il faut t'initier dans le soufisme. Ce n'était pas une affaire parce que j'avais deux femmes dans le temps. Non, le soufisme m'a attiré, et voilà comment j'ai compris tous les grands mystères. À travers un cousin que je respecte beaucoup, mon neveu qui est à Port-Gentil, qui m'a lancé là-dedans. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est autant de curiosité, autant de mutations spirituelles. En une incarnation, j'ai dû me rentrer dans près de 19 différents milieux. C'est un record. Ah oui, même les maîtres me disent, mais toi, tu es un être exceptionnel. Toi, tu n'as pas dormi. Et je ne dors pas. Là, je suis fatigué, là, j'ai bossé de nuit, je te regarde. Et là, dans 2 heures encore, je repars à l'autre boulot, là. Et la semaine prochaine, je commence l'école. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, les guerres, arrêtez. Mon frère congolais, si tu es kimbanguiste, reste avec ton kimbanisme là. Maintenant, si tu veux apprendre quelque chose sur mes traditions, c'est bon. Moi, je connais le kimbanguisme. Mais il ne faut pas venir me faire la guerre, me dire, oh non, toi, tes histoires de Tata Nzambe, monsieur, nous, le véritable prophète, c'est Kimbangi, ceci, cela. Donc, toi, tu dois... Non. Je reconnais Kimbangi comme un prophète, mais je ne suis pas obligé de le suivre. Je suis branché sur une lignée ancestrale, identitaire à moi. Mon ancêtre ne s'appelle pas Kimbangu. Mon ancêtre à moi s'appelle Onouvier. Et cet Onouvier vient de loin. Et cet Onouvier m'amène jusqu'à Adam. Voilà comment l'histoire est tracée. Tout comme vous, si vous êtes monsieur Kobila, si vous êtes Kobila, Kimbangi n'est pas forcément votre ancêtre, mais vous êtes rentré au kimbandisme parce que c'est un prophète. Kimbangi, il a sa propre tribu, il a ses ancêtres, et ses enfants vivent là, ses petits-enfants vivent. Hein, et ils suivent, c'est pas tous qui suivent d'ailleurs le kimbangisme. Je suis désolé, je connais l'histoire de ce monsieur. Donc, la même chose avec les gens de Jésus là. Tu es africain, tu vas te greffer dedans, c'est bon. Je ne suis pas contre, mais applique le syncrétisme. Mesdames, moi, je vois des gens qui me contactent. Oh, yo, ma femme, là, Vraiment, elle est trop branchée dans les histoires d'Alléluia. Je ne sais pas. Elle n'aime pas vos histoires. Moi, je ne sais pas. Oh, toi, homme, toi, tu es le chef de la maison, oui ou non? Parce que moi, je viens dire, mais ça va la faire peur comment? C'est toi qui vas lui expliquer que les histoires des blancs, les religions, là, c'est des égrégores. Je sais que c'est difficile parce qu'on les a tellement fait un lavage de cerveau. Moi-même, je suis un ancien pasteur. Oh, j'ai prié pour des pasteurs, j'ai prié pour des chrétiens, je vous le fais que nous m'avez répété tout le temps. Donc, vous êtes le chef de la maison et n'a pas le droit de vous imposer quoi que ce soit. Et je remercie, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui disent, mais vraiment, vous m'avez ouvert les yeux. Moi, j'ai compris cette affaire des égrégores de bas Jésus, là, ça m'a amené trop loin dans n'importe quoi. Merci beaucoup. Maintenant, développez votre esprit. Inscrivez-vous dans le forum, en dessous de cette vidéo-là. Inscrivez-vous. Invitez-moi. Si vous avez les moyens, payez le billet. Faites-moi venir. Je n'aurai pas à vous charger un franc. Au contraire, je serai très content. Vous me payez le billet, vous me trouvez un endroit calme, il n'y a pas le bruit. Ce serait de préférence un hôtel. Parce que si vous mettez dans votre maison, les enfants vont venir crier, les chiens vont crier, les poules. Non, non, non. Là, il ne faut pas à la fin constater que je suis devenu fou. Parce que nous, les initiés, c'est comme ça. Moindre poule ou chien qui va crier à côté, je vous dirai non, pas la peine. Moi, je prends l'avion, je retourne chez moi. Et c'est là où on nous trouve des bizarres. Mais je vous dis la vérité, je vous avertis. Donc, alors, mesdames, j'ai vu le cas de la femme. Elle est branchée dans les choses, mais le mari, c'est le pasteur. Oh, alléluia, oh machin. Et le type, toi, tu sais quoi? Ça, c'est quelle vidéo que tu es en train de suivre là? Non, non, non, non, non, ça, c'est diabolique. Mais madame, il est grand temps de vous lever et dire non. Avez-vous des preuves? Vous voulez que je vous donne le contact de ce monsieur? Appelez-le, ayez un débat avec lui pour lui prouver qu'il est diabolique. Je suis suivi. Je vous ai fait passer mon journal. Nous avons créé une chaîne ici depuis 2006 avec un ami haïtien. Allez sur ma page Facebook, vous verrez. Il y a des gens qui doutaient. Quand ils ont vu ça, ils se sont tus. Je suis abonné. J'ai créé une chaîne qu'on appelle Caribbean Africa Network, où j'éduque l'homme noir, ses origines, où j'éduque la spiritualité. Je parle de toutes les sciences. Je fais la promotion de nos religions traditionnelles. Bwiti, Djembe et tout ça là. Bwiti Akowa, tout. Je parle de ça. Mbumba Yanou, j'explique. Il y a même des blancs que j'ai initiés dans le rite de la femme de nuit et de mari de nuit là. Et ils ont vu que ça marche. Je vous ai fait le témoignage de même monsieur qui est matiné, un Français qui est CEO, grand directeur général, fondateur d'une compagnie en Martinique, multimilliardaire, qui a fait le rite et qui tremblait à vouloir m'envoyer des millions. J'ai dit non, non, non, non, non, monsieur, c'est pas ça. Vous avez fait le truc, ça marche, c'est bon. Et lui et la femme aujourd'hui, ils sont maintenant un. La femme est trop contente même, le sourire jusqu'aux oreilles. Donc, c'est quoi tout cela? C'est pour vous dire que la connaissance, elle est universelle. C'est pour vous dire que vous choisissez ce qui est bon et rejetez ce qui ne vous convient pas. Vous n'avez pas le droit de terroriser votre femme, menacer votre mariage, ou bien vous, madame, vous n'avez pas le droit de dire « Au nom de Jésus, je balance le feu, le feu, le feu, le feu !» Vous allez mettre le feu sur votre mari, c'est mal parce qu'il vient suivre un enseignement. Le feu, là, va lui faire quoi? Entre-temps, les sorciers t'emmerdent. Entre-temps, toi, tu as des problèmes pour avoir les enfants. Ou bien, entre-temps, comment dirais-je, au sein de ta famille, les enfants meurent n'importe comment. Et tu es là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Entre-temps, ton oncle t'a maudit pour ton mariage. Et tu ne sais même pas si ta vie sera heureuse. Les parents te détestent. Et toi, tu es là au nom de Jésus, au nom de Jésus. Laissez-moi ces histoires-là. Je n'ai pas dit que votre égrégore Jésus n'existe pas. Je ne fais que répéter. Je respecte les égrégores de chrétiens, égrégores musulmans, égrégores bouddhistes, égrégores de Kimbelekété, égrégores de ceci. Mais moi, je suis un libre penseur, un initié des grands mystères de la vie qui est en connexion directe avec Teta Munga Dibanga Banga, l'être suprême qui a créé tout ce qui vibre et tout ce qui vit. Et je suis confiant. Je donne ma confiance uniquement en Dieu. Je ne donne pas ma confiance en Jésus. Je ne donne pas ma confiance en Mahomet. Je ne donne pas ma confiance à qui que n'importe quel crapaud ou n'importe quel apôtre. Ou n'importe quel je ne sais quoi, ou bien prophète. Parce que je suis moi-même prophète. Prophète de moi-même. Hein. Je n'ai pas dit ici là aux gens que je suis votre prophète. Un prophète, c'est qui? C'est un transmetteur de messages. C'est simplement ça. Quelqu'un qui vous donne des visions, qui vous donne des messages, qui vient de Teta Mwanga. Voilà ce que c'est un prophète. Et je ne vous demande pas non plus de m'adorer. Hein. Je n'ai demandé personne de vouloir me suivre. Je ne vous ai pas demandé de me créer une religion. Le forum qu'on a créé, ce n'est pas une religion. Ce forum qu'on a créé, c'est pour pouvoir échanger, c'est pour pouvoir vous donner le peu de connaissances que j'ai. Maintenant, si vous êtes convaincu, oh, mais invitez-moi de temps en temps. Maintenant, si le type là, non, il raconte n'importe quoi, moi, on ne croit pas à ça. Et puis, restez chez vous, chacun reste dans son coin. Je continue mes enseignements. Il y a des gens qui me croient, il y a des gens qui voient les miracles qui se produisent dans leur vie. Voilà, c'est comme ça. Donc, l'esprit sectaire, bannissez-moi ça de vos vies, s'il vous plaît. Arrêtez de me balancer des messages dans mon forum ou bien venir me dire n'importe quoi ici là que non. C'est Jésus qui sauve. Hein. Ça a été prouvé que ce n'est pas lui qui sauve. La preuve en est que dans les églises, on égorge les gens. Donc, laissez-moi ça. La preuve en est que là-bas, là où il est né, c'est pas, moi, je ne crois pas à ce Jésus-là. Je ne crois même pas qu'il est né là-bas. Ça, c'est des conneries. Mais là, là où on parle officiellement, selon les religions, que là, il serait né là-bas. Vous ne voyez pas vous-même? Palestiniens, Israéliens, c'est la guerre jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si c'est les hommes de Dieu, pourquoi il y a toujours la guerre là-bas? Pourquoi ils s'égorgent entre eux? Je vous ai posé trois questions fondamentales. Au Congo, il y a toujours la guerre jusqu'à aujourd'hui. Rien ne marche, aucune stabilité. Les gens sont pauvres, n'importe comment, tout le monde est calboigné. Donc, ce n'est pas la religion qui va nous aider. Au contraire, la religion a contribué à nos malheurs. La religion a contribué à la division du peuple. Je vous ai donné mon témoignage. Aujourd'hui, je ne peux plus parler à mon grand frère. Je ne peux plus parler à mes neveux, à mes nièces, parce qu'on est témoin de Jéhovah. Ce n'est pas normal. Je n'ai plus le droit de leur serrer la main. Je n'ai plus le droit de manger avec eux. Mais mon mariage de ma fille, aucun d'eux ne s'est présenté. Tout simplement parce que ma fille n'est pas témoin de Jéhovah. Parce que je ne suis plus témoin de Jéhovah. Oui, la religion divise le peuple. Mais la véritable religion, c'est celle qui doit unifier le peuple. La véritable religion, c'est celle qui doit suivre les principes des prophètes. La véritable religion, c'est celle qui applique la parole de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de ton esprit, de ton âme, tout, tout, tout. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est celle qui applique les paroles du prophète Jean, qui a dit que celui qui aime Dieu doit aimer son prochain. Mais celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il déteste son frère qu'il voit tous les jours, c'est un menteur. Voilà comment le véritable message divin passe. Donc, la religion détruit l'esprit. La religion détruit l'esprit. Mais la spiritualité éveille notre esprit. Si nous voulons que noir, blanc, tous la main dans la main, et qu'on avance vers l'ère du Verseau, qu'on avance vers l'ère christique, qu'on avance vers l'ère de l'arrivée de Jésus-Christ, comme les chrétiens le disent, est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Parce que son message, c'est autour de l'amour. Les chrétiens, Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites, Jean chapitre 3, verset 16? Donc, arrêtez. Arrêtez de juger les autres. Au contraire, abordez-leur avec amour. Témoignez de l'amour et du respect. Sur ce, chers frères, chères sœurs, je vais vous quitter. Je veux pouvoir me reposer, je ne vous autorise pas de poser des questions. Bon, si vous avez une ou deux questions, allez-y. Mais je suis honnête avec vous. Là, il est quelle heure? Il est déjà 12 heures, il me reste seulement une heure. Je vais me reposer seulement pendant une heure et je repars à mon autre boulot. Donc, vraiment, je n'aimerais pas vous décevoir, mais si vous avez une question, allez-y. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Félix. Merci, Unicel. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci à Valérie. Merci à Marcelin. Merci. Merci. Que tes temps, mon gars, vous bénisse. Merci. Soyez bénis. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci de la révélation. Wow. Je ne savais pas ça. Hein. Merci. Il paraît que ce sont les Belges qui ont créé le kimbanguisme. Wow. Merci beaucoup. Vraiment, je ne savais pas. Merci. Ah, voilà pourquoi ils font les citations de la réunion de 1883. Que ces Africains-là, ces nègres-là connaissent qui est Kimbangi. Wow. Qui est Nzambi. Zambakana, voilà, je comprends maintenant. Mais bien sûr, oui. Il n'y a pas de problème. Un chrétien peut prier dans une mosquée. Surtout que la prière des musulmans n'est pas compliquée. Ça va vers le même Dieu. Et au contraire, quand vous verrez le musulman prier, leur style de prière, vous pouvez voler ça et adopter ça à votre religion chrétienne. Moi, je trouve que c'est l'homme qui divise l'homme. En réalité, toutes ces religions-là ont un objectif. C'est adorer le Dieu suprême. C'est tout. Je réponds à votre question. Oui, oui, c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Soyez bénis et bonne journée à vous. Merci, merci, merci. Merci encore de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci.